génération. Peslo à la prod. Ouais, ouais. Onzième section, authentique cartel. Ouais, ouais. Chaotique, F2O, Kafka lâche. Mason siffle en SLK. On tient bien ça, frère. On exprime nos vies. Et tu comprends, faut plus d'une trilogie. À deux doigts d'être sous un pont, c'est chaud, mais c'est la suite logique. À charge de revanche, lâche ma déprime en téléchargement. J'ai perdu le fun de l'espoir. Et je t'avoue que ces messages me manquent. Touche le fond, car on n'a pas laissé le mystère. Mystère, car j'ai laissé ma réussite dans le vestiaire. À deux doigts de me retrouver seul, car mon estime se tire. Y'a pas d'élixir, je me demande si les potes existent. Tu marches seul, car j'ai vu ce que la confiance suscite. Les seules personnes que je casse des 10 sont présents sur ce beat. À la recherche d'une vie parfaite, mais bon, y'a pas de vendeur. Je suis ce gars sans cœur, à deux doigts d'être un père avant l'heure. Pour nous la niaque, c'est vital, on a trop prôné la soif. L'échec est inévitable, arrête de te voiler la face. Voilà le cursus, les cursus, toutes les putes. Si je m'excuse plus, car je suis qu'à deux doigts de finir en ces putes. La foutue mal de crâne, gars, j'ai plus d'oseille sur ma tocard. K.O. mate le drame, on m'a dit braque avant que le mal te crame. J'ai rien fait de ma life, et je suis pas fier de ma dèche. À fond dans le son, car moi je veux finir comme les frères Madden. À deux doigts de Kekra, est-ce que l'inspire guidera ma thune? Le rideau se lève, j'écris mes cesses comme un dramaturge. Mes rêves m'ont tué, à cause du sommeil, on finit chauve. L'espoir, c'est fini, ton attaque là, la gorge à la Vinnie Jones. M2S, tu sais que l'amitié m'a braqué. Ça fait plaisir quand je sais que la 11ème m'a braqué. On vit le chômage en bas, je traîne avec 21 jeunes tristes. Putain d'avenir, plus proche de hausse que de 21 Jump Street. Elle a mif, les faux frères ont quadrillé la zone. Sur le CD, j'oublierai pas de casse d'être qualifié K-Zone. J'écoute les gens à croire que c'est dur d'avoir le Manchester. Je rappelle, je veille sur les miens comme Dominique Noonan à Manchester. Dans ma vie, je suis têtu un peu comme Don Camillo. Et je fais ma guerre même si la poisse nous fout dans le caniveau. Réussir ici, y'a pas de bon pourcentage. Donc je refais les murs car je peux pas vivre un jour sans taille. Dans ma vie, je suis têtu un peu comme Don Camillo. Et je fais ma guerre même si la poisse nous fout dans le caniveau. Réussir ici, y'a pas de bon pourcentage. Donc je refais les murs car je peux pas vivre un jour sans taille. Super, la tendance sont lourds, succombe à la tentation. Couze, 11ème section, prépare l'attentat sombre. À deux doigts de faire un malheur, c'est pas l'effet l'air d'hameur. Ça taffe trop, c'est pour ça que des fois j'ai l'air d'un mort. On a compris que la chance fallait pas l'attendre ici. C'est la merde et ne pense pas que le rap ça t'enrichit. À deux doigts d'être bien, on fait un son irrésistible qui tourne de fun en fun pendant que le tien il reste ici. On perd pas prise et comme l'escalade ça casse les couilles. Je fais les choses propres, c'est pour ça que je veux pas que l'état se m'écoute. Où j'habite, impossible qu'il te reste encore des dents de l'air. À deux doigts de péter les plombs comme de voir sa meuf dans Nex. Ça fait zizir, voir la 11ème et l'authentique. C'est pour K-Zone, les Nokia et l'équipe au grand team. On essaie de faire les choses bien, mais si t'as du mal, laisse. Si t'arrives à suivre, bah retiens l'adresse du MySpace. J'aurais pu sombrer, môme, sans le moins de diplôme. Juste un bafa comme bagage pour rembourser tous ces 10 chromes. Des factures impayées, les huissiers au pas de ma porte. Pour me rappeler que le système, c'est le mal qui m'escorte. J'ai mis du temps pour me refaire, pour devenir quelqu'un de plus stable. Une motivation grandissante pour vous montrer de quoi je suis capable. La vie ne tient qu'à un fil qui peut se briser facilement. Sur le chemin de la réussite, je peux être victime d'un accident. J'ai la tête sur les épaules pour donner du goût à ma vie. J'ai envie de la croquer sans être bloqué parce que je maudis. On m'a dit sois positif pour sortir de la déprime. Y'a trop de gens qui t'aiment, qui souffrent de la tristesse de tes rimes. Je veux remporter la partie dans cette bataille face au diable. Tellement de combinaisons possibles qu'à chaque fois je peux die. À deux doigts de sortir la compile. Je mise tout sur les ventes pour voir mon destin s'accomplir. Dans ma vie, je suis têtu un peu comme Don Camillo. Et je fais ma guerre même si la poisse nous fout dans le caniveau. Réussir ici, y'a pas de bon pourcentage. Donc je refais les murs car je peux pas vivre un jour sans taille. Dans ma vie, je suis têtu un peu comme Don Camillo. Et je fais ma guerre même si la poisse nous fout dans le caniveau. Réussir ici, y'a pas de bon pourcentage. Donc je refais les murs car je peux pas vivre un jour sans taille.